Aujourd'hui, dans l'affaire sensible, un viol qui a bouleversé l'Espagne. Un crime perpétré par un groupe de jeunes hommes au surnom menaçant la meute. C'est à l'été 2016, après les fêtes de Pamplune en Navarre, que les Espagnols entendent parler de l'affaire pour la première fois. Cinq hommes, proches de la trentaine, sont arrêtés après la plainte d'une jeune fille de 18 ans qui les accuse de l'avoir violée lors des festivités de la Saint-Firmin. La police retrouve alors des vidéos que la bande de malfaiteurs a partagées avec des amis sur un groupe WhatsApp. Puis, le viol a été filmé. Ce fait divers sordide devient alors fait de société grâce à l'engagement des femmes espagnoles. L'instruction, le jugement et le procès en appel de cette affaire se déroulent dans un climat contestataire sans précédent. Une grande partie de l'opinion publique s'élève contre une justice patriarcale. Dans la rue et sur les réseaux sociaux, en plein mouvement MeToo, les Espagnols, avec un E avant le S, se battent pour que cette agression soit désignée comme ce qu'elle est, un viol. Car la meute, elle, s'en défend. Selon les cinq agresseurs, la jeune femme était consentante. Notre invitée aujourd'hui, Karine Bergès, professeure à l'Université Paris-Est-Créteil, auparavant chargée de mission égalité à l'Université de Cergy-Pontoise. Elle est co-autrice du livre intitulé « Féminisme au XXIe siècle, une troisième vague » avec un point d'interrogation, publié en 2017 aux presses universitaires de Rennes. Affaires sensibles, une émission de France Inter en partenariat avec l'INA, préparée aujourd'hui par Jeanne Maillère, coordination Christophe Barrère, réalisation Hélène Bizio. Fabrice Drouel, Affaires sensibles, sur France Inter. Chaque année, entre le 6 et le 14 juillet, à Pamplune, des millions de personnes fêtent la Saint-Firmin, le saint patron de la Navarre, dans le nord de l'Espagne. Ce sont les Sanfermines, parmi les plus grandes fêtes du monde, après le carnaval de Rio et la fête de la bière à Munich. 9 jours de festivités traditionnelles sous le soleil brûlant de juillet, au son des gaitas, les flûtes et cornemuses locales. Des visiteurs du monde entier donc, tous vêtus de blanc, déferlent sur Pamplune, foulard rouge autour du cou. Espagnols, bien sûr, mais aussi beaucoup d'Anglais, de Français, d'Australiens et d'Américains qui viennent assister aux processions des géants à des grosses têtes, aux feux d'artifice, aux corridas et surtout, aux entierros, ces dangereux lâchers de taureaux dans les rues de la ville. Sur 850 mètres, plus de 2000 coureurs se lancent tous les matins à 8h au plus près des bêtes dans une course à l'adrénaline qui mène chaque année près de 200 personnes à l'hôpital et parfois jusqu'à la mort. Dans les rues de Pamplune, lors des Sanfermines, se croisent pendant 9 jours des familles locales, des touristes attirés par un folklore qui remonte au XIVe siècle, des fans d'Ernest Hemingway, grand amateur des fêtes de Pamplune, mais aussi des jeunes, et surtout des jeunes, venus faire la fête à bas prix, car pour certains, les fêtes de la Saint-Firmin, c'est avant tout une beuverie à ciel ouvert qui commence dès le lancement des festivités par le chupinasso, un pétard tiré à midi pile sur le balcon de la mairie, sous des flots de cava, un vin mousseux local. Dès le premier jour de fête, des centaines de milliers de jeunes se bousculent en Pamplune de bar en bar, de carafes, de sangria en bouteilles de vodka, jusqu'à échouer petit matin dans les parcs de la ville et les campings environnants. Parmi ces noctambules en quête de festivités alcoolisées, le 6 juillet 2016, il y a 5 jeunes hommes âgés de 25 à 27 ans. José Angel Prenda, Alfonso Capesuelo, Antonio Guerrero, Jesús Escudero et Angel Bosa Florido. Les 5 amis, dont un militaire, l'autre gendarme, sont là pour s'amuser. Alors ils ont prévu de boire jusqu'à plus soif pour participer ivre à 8h le lendemain aux entierros, les lâchers de taureaux. Mais avant ça, ils ont la nuit devant eux et ils comptent bien rencontrer des filles. Plutôt beaux garçons sur deux, excités par l'alcool qu'ils ingurgitent tout au long de cette première journée de fête, ils abordent les filles sans se poser de questions. Mais vers 2h50 du matin, dans cette nuit du 6 au 7 juillet, tout bascule. Plaza de Castillo à Pampelune. Il fait bon en cette nuit d'été, l'alcool coule à flot. Les cinq garçons assistent à un concert, quand l'un d'eux, José Angel Prenda, remarque une jeune fille, là, assise sur le banc. Alors il va lui parler. Il la branche tatouage, il en a plusieurs, et lui parle football. Il est supporter du FC Séville. La jeune femme de 18 ans a bu de la sangria, elle était méchée, et visiblement disposée à faire sa connaissance. Prenda est bientôt rejoint par ses quatre amis, et 10 minutes plus tard, le groupe nouvellement formé quitte la place pour se perdre dans les rues de la ville. Vers 3h, après avoir appelé un ami pour le prévenir qu'elle est en bonne compagnie, la jeune femme embrasse l'un des garçons. La promenade dans Pampelune se poursuit jusqu'à ce hall d'immeuble, à l'abri des regards, où elle entre avec eux qui se surnomment entre eux la meute. Là, quelques minutes à peine après l'avoir rencontrée, les cinq jeunes garçons la contraignent à de multiples pénétrations sans préservatif et lui volent son téléphone portable avant de retourner à la fête, la laissant seule, ivre, dénudée. La jeune femme se rhabille, sort dans la rue où un couple d'inconnus la retrouve sous le choc et en pleurs. Immédiatement prévenue, la police se lance à la recherche des cinq agresseurs. Ils sont identifiés au petit matin parmi la foule de coureurs qui participent à l'encierro, le lâcher de taureau. Arrêtés vers 11h, ils admettent avoir eu des rapports sexuels avec la jeune fille, mais consentis, disent-ils. Oh, leur seule faute, selon eux, c'est d'avoir volé le téléphone portable de la victime. En garde à vue, les cinq accusés livrent leur version des faits. Certes, ils se sont mal comportés avec elle en la laissant seule dans le hall ce soir-là, mais ils nient toute agression. Jesús Escudero, 26 ans, s'explique devant la police. Je lui ai demandé si elle pourrait faire un plan à trois. Elle m'a dit, je pourrais avec vous cinq. Au début, j'ai cru une plaisanterie, mais en fait, non. Elle nous dit qu'elle accepterait d'aller avec nous dans un hôtel ou ailleurs. À aucun moment, on l'a forcée. Elle s'est déshabillée toute seule, on s'est déshabillé, et elle a commencé à nous faire des fellations. Elle en avait envie. Elle l'a pas dit verbalement, mais dans les faits, elle passait de l'un à l'autre, et elle ne disait non à rien, à aucune position, à aucune pratique. On ne l'a pas du tout forcée. On l'a filmé, c'est une habitude que j'ai pour m'en rappeler le lendemain. Je filme plein de choses d'autres. Les audiences de ce que la presse espagnole désigne comme le procès de l'année commencent le 13 novembre 2017 à Pampelune, plus d'un an après les faits. Parmi les éléments clés de l'instruction, ces vidéos enregistrées par deux des cinq accusés avec leur téléphone portable. D'une durée de 96 secondes, elles ont été publiées par les agresseurs après les faits dans un groupe WhatsApp privé intitulé « La meute, la malada » en espagnol. Tout un programme. Des vidéos explicites qui, pour les avocats de la défense, pourtant, ne montrent rien d'autre que des relations sexuelles et en aucun cas une agression. Il s'agissait d'une orgie, quoi, mais pas d'un viol en réunion, disent-ils. Et d'ailleurs, la jeune femme ne se débat pas, ne crie pas, ne pleure pas. Dans les faits, sur les images, elle se montre passive. Les yeux souvent fermés, elle fait ce qu'on lui demande de faire, sans protester, mais sans rien entreprendre non plus. Les garçons, eux, moqueurs et humiliants, l'insultent en riant et envoient des baisers à la caméra. Mais lors des audiences, le rire laisse place aux larmes. Jesús Escudero, le jeune homme enregistré en garde à vue, pleure devant la cour. Il a tellement peur de la prison. Des garçons idiots, selon leur avocat, Agustín Martínez Becerra. Mais de bons garçons, que la victime, elle, ne souhaite pas regarder en face, non. Non, c'est derrière un paravent qu'elle répond aux questions des juges lors d'une audience à huis clos de 4 heures. Oui, elle avait bu. Oui, elle a suivi les garçons dans la rue. Oui, elle en a embrassé un. Et oui, elle est entrée dans le hall avec eux pour fumer des joints. Enfin, pensait-elle. Mais quand elle s'est retrouvée cernée, la jeune femme, en état de choc et de sidération, n'a pas su comment faire. J'ai réagi en me soumettant, dit-elle. Or, pour les avocats des 5 agresseurs, se taire, c'est dire oui. Qui ne dit rien qu'on sent. Et puis, si la jeune femme avait été violée, elle serait traumatisée, mais elle ne l'est pas, croit-il savoir. L'enquête d'une détective privée embauchée par la famille de l'un des accusés veut en apporter la preuve dans ce reportage diffusé par la télévision espagnole. L'enquête d'un détective privé, acceptée comme preuve par le tribunal, provoque beaucoup d'indignation. La plaignante a fait l'objet d'une filature 10 jours après les faits et ses photos sur les réseaux sociaux ont été examinées. Tout ça pour prouver qu'elle n'était pas affectée par le viol présumé. Selon l'enquête, la jeune femme aurait fait la fête et voyagé avec des amis, un élément qui ne prouve rien selon les experts de ce genre d'affaires. Contre toute attente, le tribunal de Pampelune autorise la défense à utiliser cette enquête privée lors du procès. Démarche qui vise à prouver que la jeune femme n'a pas subi de traumatisme. La victime se retrouve ainsi accusée et doit se justifier devant la cour. Si elle a continué à publier des photos sur Instagram dans les semaines après les faits, si elle est allée boire des verres avec ses amis, c'est pour ne pas éveiller les soupçons, pour cacher que c'est elle la victime de la meute, explique-t-elle. Comme si une victime de viol n'avait pas le droit d'essayer de se reconstruire en s'amusant. Une tentative de culpabilisation de la part de la défense que veut dénoncer des militantes féministes espagnoles. Sur Facebook, la page féministe Lola publie cette vidéo visionnée près de 5 millions de fois. Des personnalités et des militantes anonymes s'y questionnent comment doit-on se comporter lorsqu'on a été violé. J'ai le droit de publier sur Facebook. J'ai le droit d'aimer les garçons ou les filles. J'ai le droit d'aller promener mon chien. J'ai le droit de me remettre du rouge à lèvres. J'ai le droit de vouloir un enfant. J'ai le droit d'aller à un concert. J'ai le droit ou pas de m'amuser. J'ai le droit de vouloir me sentir bien. J'ai le droit d'être moi. J'ai le droit d'être une femme avec sa propre identité et pas seulement une victime. À l'hiver 2017, l'opinion publique espagnole s'engage progressivement aux côtés de la victime. D'autant plus que la meute va être impliquée dans une autre affaire d'agression sexuelle. Lors de l'enquête sur le viol de Pampelune, un inspecteur a retrouvé d'autres vidéos dans le téléphone de l'un des accusés. Sur l'une d'entre elles, datée du 1er mai 2016, 2 mois avant les fêtes de la Saint-Firmin, 4 des 5 agresseurs embrassent et tripotent une jeune femme dans une voiture. Leur rire gras rappelle ceux des vidéos de Pampelune et surtout, la jeune femme semble inconsciente. Nous sommes à Pozo Blanco et nous sommes la meute, se vante l'un d'eux, hilar, avant de partager la vidéo sur un groupe WhatsApp avec une 20aine d'amis. Elle est morte ou quoi, la belle au bois dormant? Vous l'avez chloroformée? Plaisante lourdement les amis de la meute dans le fil de la discussion. Identifiée et contactée par la police, la jeune femme de la vidéo de Pozo Blanco est sous choc quand elle découvre l'existence de ces images. Voilà tout ce dont elle se souvient, comme elle l'explique aux enquêteurs. Ivre, après une soirée près de Cordoue, elle a été raccompagnée en voiture par 4 inconnus. Elle s'est endormie sur la banquette arrière avant de se réveiller à côté de l'un d'entre eux, qui sera identifié comme Alfonso Cabezuelo, le militaire de la bande. Celui-ci lui a alors demandé une fellation, en vain, avant de l'insulter et de l'abandonner dans une rue vers 8 heures du matin. La jeune femme de 21 ans est ensuite rentrée chez elle, où elle a pris des photos de sa robe déchirée et des ecchymoses sur sa jambe, mais sans aller voir la police, de peur qu'on ne la croie pas. Mais cette fois, plusieurs mois après cette soirée de 2016 qu'elle a tenté d'oublier, la jeune femme de Pozo Blanco porte plainte. Pour que les coupables soient punis, dit-elle, mais aussi en soutien à la victime de la Saint-Firmin. Je te parlerai comme jamais tu ne parles à ta mère. Tu me seras redevable si je te paie un verre.

Ce qu'on veut faire, c'est paralyser le pays pour montrer que si les femmes s'arrêtent, le monde s'arrête. Des rassemblements gigantesques qui ont paralysé le centre de Madrid. Et face à ces femmes revendicatives, les hommes étaient un peu pris au piège. Embouteillages, trafic ferroviaire perturbé, 300 trains annulés, soit plus de la moitié. Et le plus grand quotidien espagnol, El País, déserté. Plus de 8000 femmes journalistes ont cessé le travail aujourd'hui dans le pays. Les hommes ici occupent tous les postes les plus importants. On revendique aussi l'égalité des salaires entre les hommes et les femmes. Dans ce contexte, le verdict du procès de la Meute, programmé moins de 2 mois après la grève féministe du 8 mars, cristallise l'attention de l'opinion publique espagnole. Le slogan « Yo sí te creo »,« Moi je te crois », est partout, sur les réseaux sociaux et sur les banderoles des manifestations de soutien à la victime. Car en quelques mois, l'Espagne a pris fait et cause pour la jeune femme, contre ses agresseurs. Après 6 mois d'audience ultra-médiatisée, le 26 avril 2018, c'est donc une décision très attendue que les juges du tribunal de Navarre, 2 hommes et 1 femme, doivent prendre. La défense a demandé l'acquittement des 5 accusés, à l'exception d'Antonio Guerrero, qui a plaidé coupable pour le vol du téléphone portable de la victime. L'accusation, elle, requiert 24 ans et 9 mois de réclusion pour chacun des accusés et 250 000 euros d'indemnisation. Pour les magistrats, il s'agit de trancher cette question. La jeune femme a-t-elle été contrainte à des rapports sexuels par ceux qui se surnomment eux-mêmes la meute ? Verdict. Nous vous condamnons en tant que responsable, concepteur et auteur d'un délit d'abus sexuel à la peine de 9 ans de prison et à la déchéance de votre droit de suffrage pendant la durée de la peine. Nous imposons également l'interdiction d'approcher la plaignante, son domicile, son lieu de travail ou tout autre lieu fréquenté par elle à une distance inférieure à 500 mètres pendant 15 ans. Dans le domaine de la responsabilité civile, nous vous condamnons à indemniser solidairement la plaignante de 50 000 euros. Neuf ans de prison pour abus sexuel et non pour viol. Ainsi en a donc décidé le tribunal de Navarre le 26 avril 2018. Ça veut dire que pour la justice, en cette nuit de juillet 2016, il n'y a eu ni violence ni menace, les deux conditions posées par le code pénal espagnol pour constituer un viol. Que les agresseurs soient 5, qu'ils aient 10 ans de plus que la jeune fille, qu'ils soient physiquement imposants et que les faits se déroulent de nuit dans un hall isolé, aucun de ces arguments n'aura suffi à convaincre les magistrats de retenir la qualification de viol. Or, cette sentence très inférieure aux réquisitions du parquet va enflammer l'Espagne. Dans tout le pays, des dizaines de milliers de manifestantes et de manifestants scandalisés s'élèvent contre le verdict des magistrats dont la foule réclame la destitution. Faut-il, se demandent les manifestantes, prendre le risque d'être tuées en résistant à son agresseur pour être reconnues comme victimes de viol ? Le souvenir des grèves féministes du 8 mars est encore proche. Et c'est contre tout un système inégalitaire et patriarcal que les Espagnols, avec et sans eux pour le coup, à la fin du mot, s'insurgent. Ce ne sont pas des abus, c'est un viol. C'était l'un des slogans les plus repris hier soir à Madrid devant le ministère de la Justice. Les manifestants exprimaient d'abord leur indignation contre ce verdict, une décision de justice qui, après avoir établi que la jeune fille de 18 ans était angoissée, seule face à 5 hommes bien plus âgés et plus forts qu'elle, nie qu'elle ait été intimidée et du même coup écarte le délit de viol. Cela s'appelle le patriarcat. Les slogans dépassent l'affaire de Pamplune, de même que les motifs qui ont rassemblé les manifestants. Irénée, 35 ans. Bien sûr, je suis là pour souligner toute la violence institutionnelle et individuelle contre les femmes. Des manifestations alimentées par le réveil féministe que l'on observait lors de la grève des femmes le 8 mars en Espagne, une mobilisation inédite dans le pays qui compte désormais affirmer sa force chaque fois qu'il le faudra. Les critiques contre l'appareil judiciaire espagnol vont rapidement prendre un tour politique. Au lendemain de la sentence du tribunal de Navarre, le ministre de la Justice, Rafael Catalá, annonce vouloir réformer les paragraphes du code pénal consacrés aux agressions sexuelles qui datent de 1995. Mais alors qu'il espère apaiser les tensions, il va au contraire allumer la mèche en dénonçant l'attitude de l'un des magistrats de l'affaire. L'un des juges a un problème, tout le monde le sait, laisse-t-il échapper à la radio. Ce juge, c'est Ricardo González. Connu pour ses idées conservatrices, le magistrat souhaitait acquitter les 5 accusés lors du procès de la meute, à contre-courant des 2 autres magistrats. Les vidéos de Pamplune, selon lui, ne montrent rien d'autre qu'une orgie consentie durant laquelle la jeune femme a pris du plaisir. Rafael Catalá, ministre de la Justice et membre du Parti Populaire, va vite faire les frais de sa prise de position contre Ricardo González, le magistrat réactionnaire. Car pour le Conseil général du pouvoir judiciaire espagnol, critiquer un juge comme le ministre le fait, c'est remettre en cause l'indépendance de la justice. Et pour les partis d'opposition comme Podemos, l'intervention du ministre ne sert qu'à détourner l'attention de la crise politique que connaît l'Espagne avec la Catalogne. L'avocat de la victime de la meute et ceux des accusés, eux, font appel du jugement. Jusqu'à cette décision surprenante de la justice espagnole. Voici les images qui scandalisent l'Espagne. Ces 3 jeunes hommes qui sortent du centre pénitentiaire de Pamplune font partie de cette bande, la meute, comme elle s'est elle-même surnommée. Tous ont été condamnés pour avoir abusé d'une jeune femme en 2016. Mais hier, la justice a autorisé leur libération sous contrôle judiciaire. Une décision qui passe mal dans le pays. Depuis, les Espagnols crient dans la rue leur mécontentement. Notre justice est pourrie, scande cette femme. Plus loin, ce n'est pas un abus mais un viol. On manifeste aujourd'hui parce que nous pensons que notre pays n'est pas un pays pour les femmes. Quand on a entendu hier les informations, on était terrifiés. Mais on est aussi déterminés à montrer notre rage dans la rue. Le 22 juin 2018, 2 mois après leur condamnation, les agresseurs de la Saint-Firmin sortent de prison contre 6 000 € de caution chacun. Une décision que le tribunal de Navarre justifie par un risque de récidive hautement improbable. C'est donc libre que la bande va attendre son procès en appel. Une décision qui ouvre, écrit le journal andalou à l'Idéal, une brèche sans précédent entre les juges, les institutions et la société espagnole. Deux semaines plus tôt, le 1er juin 2018, le chef du gouvernement Mariano Rajoy, du Parti Populaire, impliqué dans une affaire politico-financière, était démis au profit de Pedro Sanchez, du Parti Socialiste Ouvrier. Formé de 6 hommes et 11 femmes, le nouveau gouvernement espagnol, dont la vice-présidente Carmen Calvo est aussi ministre de l'égalité hommes-femmes, dépasse ainsi le record mondial établi en 2007 par le gouvernement finlandais. Sa première proposition de loi, une formation obligatoire pour tous les juges et magistrats espagnols aux questions de genre, afin que la justice puisse interpréter correctement les violences sexistes et prononcer des verdicts adaptés. À la libération des 5 agresseurs de Pamplune, le 22 juin 2018, Isabel Celá, la porte-parole du gouvernement socialiste, exprime publiquement sa surprise. Le gouvernement respecte les décisions du système judiciaire espagnol. Mais les faits pour lesquels les agresseurs ont été condamnés sont très graves. Ils sont très graves et en ce sens, le gouvernement se fait l'écho de l'alarme sociale, des préoccupations sociales, en particulier celles des femmes, qu'il doit protéger et qu'il va protéger. Le gouvernement a été surpris par cette libération provisoire. Car généralement, on ne libère pas de détention provisoire avant au moins la moitié de la peine. Le gouvernement espagnol profite également de la libération sous caution des agresseurs de la meute le 22 juin 2018 pour annoncer qu'il entend durcir sa législation concernant les abus sexuels en introduisant dans son code pénal la notion de consentement sexuel explicite. Son modèle, c'est la Suède, où tout acte sexuel sans consentement explicite, justement, est considéré comme un viol, qu'il y ait menace, intimidation, violence ou non. Non, si une femme ne dit pas oui explicitement, eh bien, dans d'autres cas, c'est non, déclare publiquement la vice-présidente du gouvernement en juillet 2018. Une politique gouvernementale qui répond aux revendications d'une grande partie de l'opinion publique espagnole et qui va, semble-t-il, inspirer la Cour suprême lors du procès en appel de la meute. C'est le 21 juin 2019, près de 3 ans après les faits, que cette instance judiciaire, la plus haute du pays, rend sa décision. Reportage sur France 24 Espagne. Les 5 hommes connus sous le nom de la meute ont bien commis un viol. C'est le verdict de la Cour suprême d'Espagne qui les condamne à 15 ans de prison. La mise en relation des faits montre qu'il ne peut pas s'agir d'un délit d'abus sexuel, mais qu'il s'agit d'un viol. Les faits donnent à voir une authentique situation d'intimidation et à aucun moment la victime n'a consenti aux actes sexuels que lui ont imposés les accusés. C'est une décision historique. Les 5 magistrats de la Cour suprême, 2 femmes et 3 hommes, requalifient les faits jugés en première instance. Pour la justice espagnole, il ne s'agit plus d'abus sexuels, mais bel et bien de viol, avec 2 circonstances aggravantes, l'enregistrement vidéo de la scène et le viol en réunion. Après 1 an de liberté provisoire, les 5 agresseurs de la meute, alors âgés de 28 à 30 ans, retournent en prison. Et c'est entre les murs, en vidéoconférence, qu'ils témoigneront dans le cadre d'une 2e affaire. Déjà abordée dans ce récit, celle de Pozo Blanco, près de Cordoue. Des vidéos retrouvées dans le cadre de l'instruction du viol de Pamplune en 2016 avaient mené les enquêteurs jusqu'à cette jeune fille qui portera plainte pour abus sexuel contre 4 des 5 agresseurs de la meute. Antonio Cabezuelo, Jesús Escudero, Antonio Guerrero et José Ángel Prenda sont jugés du 18 au 21 novembre 2019 à Cordoue, en Andalousie, pour des attouchements sexuels survenus en mai 2016 dans une voiture après une soirée arrosée. Inconsciente pendant 45 minutes, la jeune femme s'était réveillée dénudée sur le fauteuil passager avant de se voir demander une fellation. Des messages envoyés sur WhatsApp par les agresseurs laissent penser que la jeune femme avait pu être droguée. Ils sont en attente du verdict. La meute, un surnom agressif, celui que s'étaient donné les 5 violeurs des faits de Pamplune, incarne à lui seul la persistance d'une culture machiste en Espagne. Comme si les hommes étaient des loups et les femmes des proies à chasser. La meute, un surnom qui servira à désigner d'autres groupes d'agresseurs dans d'autres villes espagnoles. Après Pamplune, c'est à Lleida, Alicante, Murcia, Benidorm que des bandes similaires ont sévi ces dernières années. Des affaires médiatisées d'agressions sexuelles et de viols en réunion qui à chaque fois interpellent l'opinion publique et posent la question du consentement de la victime. Pourquoi n'a-t-elle pas crié? Pourquoi ne s'est-elle pas débattue? Pourquoi ne s'est-elle pas enfuie? Rétorquent souvent les accusés, comme si la coupable c'était la proie et non le loup. Thank you. Vous écoutez Affaires Sensibles sur France Inter. Aujourd'hui, la meute. Notre invitée, Karine Bergès. Bonjour. Bonjour. Vous êtes professeur des universités à l'université Paris-Est Créteil, auparavant chargée de mission égalité à l'université de Cergy-Pontoise. Et vous êtes co-autrice de Féminisme du 21e siècle, une troisième vague. Alors, il y a un point d'interrogation, c'est important. Livre publié en 2017 aux presses universitaires de Rennes. D'abord, c'est quoi cette troisième vague? Ça veut dire, s'il y a une troisième vague, ça veut dire qu'il y a une première et une deuxième. Puis là, il y a une troisième. Et avec un point d'interrogation, est-ce que vous pouvez décoder ce titre? Oui, même une quatrième, on peut dire aujourd'hui. Mmh. Alors effectivement, on a tendance à diviser cette chronologie du féminisme autour des vagues. Bon, c'est une convention, on va dire, hein, dans la communauté académique, qui n'est pas d'ailleurs, qui ne fait pas consensus. Mais pour faire simple, on va dire que la première vague correspond à l'acquisition des droits civils, notamment tout le mouvement des suffragettes pour le droit de vote, donc fin du 19e et surtout début du 20e. La deuxième vague s'attache, et on la connaît plus en France, puisqu'elle a eu une portée assez significative, c'est les années 70, avec le mouvement de libération des femmes et la revendication de droits qui concernent justement le domaine du corps et le domaine reproductif. Mon corps m'appartient, et évidemment l'accès à la contraception et à l'avortement. Donc ce sont des luttes qui ont été menées. Avec des figures, Gisèle Halimi, Simone Veil. En France, avec des figures très importantes, et la loi qui est surtout votée. Et puis Simone de Beauvoir, vous oubliez. Simone de Beauvoir. Donc ça passe aussi par évidemment, les idées et l'écriture, bien sûr. Disons que le féminisme est toujours à la croisée de la théorie et de l'activisme, et l'un ne va pas sans l'autre. Et donc la troisième vague émerge aux États-Unis au milieu des années 90. Et elle permet en fait d'aller au-delà et elle questionne le sujet du féminisme. On a un petit peu reproché au féminisme de la deuxième vague, parce que c'était en contexte d'être un féminisme plutôt blanc, de classe moyenne, et de ne pas s'intéresser au sort des femmes les plus vulnérables, par exemple. Et donc, on a théorisé aux États-Unis les droits des minorités. Alors, ça passe par les mouvements LGBT, ça passe également aux États-Unis par les femmes chicanes, c'est-à-dire les femmes latino-américaines et notamment mexicaines qui vivent aux États-Unis et qui se sont énormément mobilisées, notamment les lesbiennes par exemple aussi politiques. Et donc c'est tout un travail sur un élargissement de ce sujet du féminisme. Et on a beaucoup parlé, je vais faire vite, de l'intersectionnalité qui est en fait le croisement, on reconnaît le croisement de plusieurs systèmes de domination qui est fondé à la fois sur le sexe ou le genre, à la fois sur la classe sociale, la race, le handicap ou l'orientation sexuelle. La quatrième vague, c'est MeToo ? Par exemple. Alors la quatrième vague, elle est... Entre autres. Oui, on est en pleine ébullition de la quatrième vague et des livres commencent à être produits. Justement, il y a encore deux ans, on ne parlait pas de quatrième vague et on peut dire qu'elle est liée à cette déferlante planétaire qui est MeToo, qui a permis en fait quoi ? Une transnationalisation, une globalisation des revendications des femmes. Alors là, justement, au-delà de la classe, de la race, etc. Et qui a permis, alors non pas aux femmes de libérer la parole, comme on l'entend souvent, mais de reprendre la parole et d'être écoutées. C'est une sorte un peu de catharsis collective. On part de l'intime vers le politique. On a d'ailleurs en France le mouvement Nous Toutes, de MeToo, on est passé à Nous Toutes. Absolument. Donc il y a un mouvement d'ampleur. Et ce mouvement a permis de centrer l'attention sur ce dont vous avez parlé dans votre récit, c'est-à-dire la question des violences et la question de la domination patriarcale. Donc effectivement, on a tendance à aujourd'hui à accepter cette idée qu'on va vers une quatrième vague. Une vague qui a un caractère beaucoup plus finalement internationaliste, même si, attention, les féministes de la première vague avaient aussi ce caractère-là, évidemment. Mais aujourd'hui, avec les nouvelles technologies et la viralité que permettent ces instruments, on a évidemment une amplification de ces revendications à l'échelle planétaire. Combien faudra-t-il de vagues pour arriver, par exemple, à abolir cette incroyable anomalie selon laquelle, à travail égal, compétences égales, des femmes gagnent encore moins que des hommes. Combien faudra-t-il de vagues ? Et oui, c'est tout le questionnement, effectivement, et même au-delà des vagues, c'est-à-dire que le féminisme est un mouvement social, politique, philosophique, qui prend ses racines bien avant le 19e siècle, et qui, justement, travaille sur ces questions de longue date, et on a un petit peu, dans la communauté féministe, et surtout le milieu associatif, toujours toujours ce questionnement du recommencer à zéro. On a l'impression qu'il faut reprendre à zéro, alors que le travail se fait, mais les mentalités et les résistances, on le voit quand même encore aujourd'hui, sont toujours à l'œuvre. Alors, il faut quand même essayer de prendre le bon côté des choses et de voir ce qui a été accompli chemin. Parfois, les féministes, vous disent, on leur dit, bon, on a fait des progrès, on a avancé. Il faut le reconnaître, et c'est bien. Oui, mais on a avancé. Il y a tellement de choses à faire. Il n'y a pas eu. Si, on a avancé. Le travail, le travail des féministes tout au long de ces siècles, j'ose dire. Enfin, en tout cas, depuis en France, depuis de longs siècles, mais également depuis surtout le début du XXe, ont permis justement de produire des avancées et qui se sont traduites dans le domaine législatif. Mmh. On a en France aujourd'hui, je parle pour la France, un arsenal politique, législatif, qui justement permet de la parité, qui permet de rectifier normalement, en théorie, ces inégalités salariales. Le délit sexiste. Le délit sexiste. Tout nouvellement. Ou de pénaliser certaines entreprises qui ne se soumettent pas à cette loi, soit ces lois paritaires. Mais on voit bien que les détournements sont toujours faciles. Hein. Et les résistances, elles sont là, elles sont très fortes et elles permettent aussi. Alors, en même temps, les résistances, moi j'ai tendance à dire que quand il y a résistance, c'est aussi un bon signe parce que cela montre que les mentalités évoluent. Donc on a une évolution des mentalités et une résistance en face. Bon, on va revenir en Espagne parce que notre récit se situe en Espagne, pays voisin et ô combien intéressant d'un point de vue de la société. Évidemment, la jeune démocratie avait apporté tellement de choses. Enfin, toujours le regard tourné vers l'Espagne. Est-ce qu'il y a des figures fondatrices du féminisme en Espagne pour vous? Oui, alors il y a des figures fondatrices du féminisme, il y en a beaucoup. Je vais juste peut-être prendre deux exemples. Un qui se situe plutôt dans le siècle passé, donc 19e siècle, où l'on a un féminisme qui est déjà porté par des femmes, alors écrivaines, philosophes, libres penseuses. Et je pense par exemple à trois figures galiciennes, précisément, qui est l'écrivaine Emilia Pardo Bazán, qui est une autre penseuse qui est Concepción Arenal ou une autre, Rosalía de Castro, qui sont des femmes donc intellectuelles et qui ont justement permis, écrit sur l'accès des femmes à ce moment-là. Ce qui est important, c'est l'accès à l'éducation. Donc c'est le travail porte là-dessus. Et puis un petit peu plus tard, dans les années 30, et là on fait le lien avec justement la Seconde République en Espagne en 1931, l'accès au pouvoir de ce gouvernement républicain qui met en lumière des femmes politiques de divers courants. Alors on a par exemple la députée socialiste Clara Campoamor qui a au Cortés espagnol défendu le vote pour les droits des femmes, qui est d'ailleurs accordé en 1933 en Espagne, bien avant la France finalement. On a également des figures importantes comme Victoria Kent, l'anarchiste Federica Montseny qui est devenue en 1936 la première ministre de la Santé sous le gouvernement républicain. Et on a encore une figure que j'aime beaucoup, une narco-syndicaliste, Teresa Claramunt, qui a produit des écrits absolument novateurs sur ces questions. Et la période franquiste? Alors la période franquiste, moi j'ai beaucoup travaillé sur cette période, je ne vais pas parler du tout de féminisme sous la dictature. C'est une longue parenthèse dans l'histoire des femmes espagnoles, puisqu'elle marque un retour en arrière avec justement une restriction, alors des hommes et des femmes, mais évidemment les femmes ont doublement été impactées, et notamment pour ce qui est de l'accès au travail, et surtout la dépendance à l'autorité maritale, qui était un frein à leur émancipation. Donc attention, le franquisme a effectivement rendu les femmes, on a parlé des éternelles mineures au niveau des droits, mais à partir des années 60, il y a quand même des initiatives en Espagne, en lien d'ailleurs avec la France aussi, qui permettent de commencer à repenser ces mouvements et à structurer les mouvements féministes. Et après le franquisme, donc, depuis les années 80, les gouvernements espagnols successifs ont légiféré pour tenter de réduire les violences faites aux femmes. Et peu de pays européens sont allés aussi loin que l'Espagne pour défendre cette cause. En 2004, José Luis Zapatero faisait voter une loi inédite contre la violence conjugale. L'Espagne est aussi un des pays d'Europe régulièrement cité et donné en exemple pour son ensemble de lois contre les violences faites aux femmes, depuis la protection, la dénonciation, la mise à l'abri et les réparations. L'Espagne, et c'est un cas presque unique en Europe du Sud, voire même du Nord, a fait voter en 2004 une loi organique, dite loi intégrale contre la violence de genre, votée à l'unanimité par le Parlement espagnol de l'époque, une loi qui a mis en place des institutions, des financements, des procédures judiciaires, des systèmes d'accueil, des cours dans toutes les écoles du pays, bref, un cycle complet de prévention, d'assistance et de répression des violences faites aux femmes, un succès unanimement salué. Quand je disais qu'on avait souvent le regard tourné vers l'Espagne dans le, pour ce qui est des progrès des, de la société, sociétaux, ben j'avais raison, la preuve en est, là, avec cette loi intégrale de 2004, ça s'est traduit par moins de féminicides qu'ailleurs, statistiquement. Alors, J'ai pas les chiffres pour toute cette période, j'ai les chiffres de 2019. Ah bah, c'est encore mieux. C'est intéressant. Donc en France, on a 149 féminicides, en Espagne, 99, ce qui est déjà beaucoup trop. Okay. Mais beaucoup moins. Mais beaucoup moins, c'est déjà une cinquantaine de femmes en moins. Malgré tout, cette lutte contre la violence de genre, elle a effectivement pris racine bien avant les années 2000 déjà dans les associations féministes, hein, mais elle se concrétise à travers cette loi de 2004 sous la législature de Zapatero. Et cette loi, elle permet à un moment donné de mettre aussi le focus sur ce qu'on appelle le féminicide, un terme qui en France a mis beaucoup plus de temps à être utilisé, mais qui renvoie en fait au fait de tuer les femmes parce qu'elles sont femmes, c'est-à-dire qui renvoie à ce patriarcat structurel contre les femmes. Et donc, elle a permis donc de conscientiser la population, mais elle a permis aussi de mettre en place, notamment, des tribunaux spécialisés dans la prise en charge de la violence contre les femmes, des mesures de protection des femmes victimes, notamment de leurs conjoints, avec l'éloignement du conjoint dans un délai très rapide. Elle a permis aussi aux médias, les journalistes se sont emparés beaucoup plus de cette thématique, mais elle a été quand même, il faut le souligner, freinée assez rapidement, puisqu'en 2008 éclate en Espagne la crise financière que l'on connaît, et qui, évidemment, comme disait Simone de Beauvoir, voir quand il y aura une crise, les femmes seront souvent les premières cibles. Et c'est ce qui s'est passé, c'est-à-dire que les budgets alloués à ces questions n'étaient plus prioritaires. Et puis, en 2011, vous l'avez rappelé dans votre récit, nous avons des élections législatives anticipées qui donnent le pouvoir à la droite conservatrice de Mariano Rajoy et dont la priorité n'est pas véritablement les droits des femmes. Donc les budgets souffrent de cette situation. Et on le sait, les budgets, l'argent reste le nerf de la guerre pour faire face à la violence contre les femmes. Alors que s'est-il passé le 8 mars 2018 ? C'est vraiment une date importante. Les femmes espagnoles organisent ce jour-là une grande grève féministe, un mode d'engagement inédit en tout cas en Espagne. Comment s'est organisée cette grève ? Qui en est à l'origine ? Comment expliquer son succès ? Et qu'est-ce que ça a changé ? Voilà, quatre questions pour un même fait, c'est beaucoup, mais... Il s'est passé quelque chose, là. Oui, il s'est passé quelque chose. C'est une grève absolument inédite qui a été d'ailleurs réitérée un an après, en 2019, le 8 mars 2019. Mmh. Et cette grève, elle a eu, il faut le rappeler, comme modèle, les féministes espagnoles ont eu les yeux rivés sur l'Argentine, avec le mouvement qui naît en 2015, Ni Una Menos, pas une de moins, lors du féminicide contre une jeune adolescente de 16 ans. Et là-bas, ce mouvement a pris une grosse ampleur avec une première grève, justement, pour dénoncer ces féminicides qui sont en Amérique latine aussi extrêmement conséquents. Et donc, les féministes espagnoles ont beaucoup de liens avec les latino-américaines et ont commencé à penser, un an avant 2018, avant le 8 mars 2018, ont commencé à penser à se structurer à travers une commission qui s'appelle la commission 8M, 8 mars, dans lesquelles plusieurs féministes, alors d'obédience ou de familles politiques différentes, se sont retrouvées pour penser une grève générale des femmes. Alors cette grève, elle est inédite. Pourquoi ? Parce que pour la première fois, elle marque ou elle dépasse la traditionnelle division d'une grève, on est en grève aujourd'hui d'ailleurs, entre la sphère productive, le travail, et la sphère reproductive, le foyer. Et cette grève, elle est absolument inédite parce qu'elle a, on peut parler d'une grève intersectionnelle à nouveau, c'est une grève du travail, donc les femmes quittent leur emploi donc ce jour-là. pour aller manifester. C'est une grève très importante dans le féminisme actuel, ce qu'on appelle en Espagne los cuidados, le care, hein, les soins aux personnes, puisqu'on sait que les femmes sont encore les pourvoyeuses de soins, notamment au sein de la famille, et dans un contexte de crise, cela est très important. Le care, inspiré de la politique care. D'Obama. Oui, oui, exactement. Et mais qui est... Obama s'est inspiré sûrement des féministes aussi, parce que le care est une théorisation qui est née bien avant Obama. Et grève de l'éducation, et grève de la culture. Donc c'est une grève absolument gigantesque. Et autre caractéristique très intéressante de cette grève, c'est que c'est une grève intergénérationnelle. Elle concerne des jeunes filles entre 15 et des grand-mères de 70 ans, anciennes certaines militantes historiques des années 80 lors de la transition. C'est une grève qui se caractérise aussi par une mixité sociale. On a une représentation de toutes les catégories sociales et une grève qui se caractérise par ce que j'appelle une mixité ethnique. C'est-à-dire que les femmes latino-américaines, il y a beaucoup d'immigration latino-américaine, notamment les femmes latino-américaines travaillent dans le service domestique, dans des travaux qui concernent le care, ont également participé et coordonné massivement cette grève. Bon, ma question était longue, il y en avait quatre, donc votre réponse... J'ai synthétisé. Oui, merci, parce qu'il y avait beaucoup de questions. Alors, la meute, on a parlé de la meute, on a raconté cette affaire de la meute, ce sont des mois qui ont durablement marqué l'opinion publique espagnole, j'imagine, le féminisme espagnol, j'imagine également. Est-ce qu'il y a eu en Espagne un avant la meute et un après la meute? Ou est-ce que c'est un élément parmi d'autres important? Alors, je pense que c'est un élément qui est essentiel parce qu'il a mis dans les rues la société civile, pas que les militantes féministes. Vous avez rappelé tout à l'heure le verdict qui est rendu le 26 avril. Pendant trois jours, le 26, le 27 et le 28 avril, on a plus de 30 000 personnes, hommes, femmes, qui descendent dans les rues chaque jour de mobilisation contre ce verdict. Donc il a été un accélérateur de quelque chose qui était déjà en ébullition. C'est-à-dire que la meute n'a pas révélé. Et moi, j'aurais tendance à situer ce bouillonnement un peu avant, c'est-à-dire ce qu'on appelle en Espagne le 15M et le 15M, la révolution des indignés en 2011, qui marque un mouvement citoyen d'une énorme ampleur. Et je pense que ces mobilisations féministes qui jalonnent en fait toutes ces dernières années sont un héritage de cette culture de l'indignation, de cette culture insurrectionnelle des citoyens contre un système. Et les féministes ont évidemment participé largement à ce bouillonnement. On parle d'un tsunami social pour le féminisme, et je crois que c'est absolument passionnant, enfin en tout cas dans mon cas qui travaille sur ces questions, c'est tout un laboratoire expérimental et passionnant aujourd'hui en Espagne de voir ce qui se passe. Est-ce que le féminisme espagnol est fille de la Movida, notamment? Non. Non. Vous ne le voyez pas comme ça? Non, je ne dirais pas ça. La Momida a libéré beaucoup de choses, mais elle se revendiquait apolitique. Oui, donc on n'est pas... les revendications féministes n'étaient pas au centre de ce mouvement-là, même si elle a libéré beaucoup de choses, après des années de franquisme. Oui. Alors, l'Espagne connaît aussi une remontée de la pensée réactionnaire, mais je ne vois pas le temps passer. Écoutez, ce qu'on dit est tellement intéressant que je n'ai pas vu le temps passer et malheureusement, notre entretien est terminé. Ce sera pour une autre fois. Voilà, en tout cas, merci infiniment pour les éclairages que vous nous avez apportés. Merci, au revoir. C'était Affaires Sensibles aujourd'hui, la Meute, une émission que vous pouvez réécouter en podcast sur franceinter.fr. Merci à Tristan Gratalon qui était à la technique aujourd'hui.